الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on va demander de faire un petit rappel sur la notion de patience dans l'islam, ou l'endurance. Enfin, vous le traduisez comme vous voulez, en fait, en mot en arabe, c'est as-sabr. Donc, on va traiter, enfin traiter, on va juste donner quelques points importants par rapport à as-sabr. Je pense que la sœur a choisi ce sujet parce que c'est en lien avec le projet du collectif. Comme elle a dit, c'est le lieu d'aide aux nécessiteux, etc. Et donc ces nécessiteux-là, ils sont dans la patience. Ils supportent des épreuves, ils subissent des injustices. Donc on voulait faire un rappel par rapport à ça. Donc, as-sabr en arabe, ça vient, étymologiquement, ça vient de différents mots comme habasa, le verbe habasa qui veut dire retenir ou s'abstenir. Il y a aussi le verbe kaffa qui va dans le même sens. Et donc par rapport à habasa, justement, on a tiré le nom habs, que les gens traduisent par prison. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre le mot et la prison. Donc voilà, ça rejoint l'idée du collectif, aider les personnes qui sont en prison. Parce que personnellement, c'est les personnes que je considère les plus éprouvées. C'est celles qui endurent le plus, parce que au-delà de... Vous prenez un SDF, par exemple, il est à la rue, mais il est libre. Il peut même avoir à manger, on peut lui donner de l'argent, etc. Une personne qui est malade, certes, elle est malade, mais elle peut être très bien nourrie. Elle peut être installée confortablement dans un lit. Pareil aussi, elle est libre. Une personne qui est dans une épreuve de couple, par exemple, c'est la même chose, certes. Je ne dis pas que les problèmes de couple, c'est facile, mais on peut dire que le prisonnier, en réalité, il regroupe même toutes ses épreuves en une. Il est en prison. Quand la personne est en prison, elle n'a plus accès, en général, elle n'a plus son travail. Donc elle n'a plus de rentrée d'argent. Elles sont oubliées. C'est pour ça que personnellement on les appelle, enfin à l'époque on les surnommait les oubliés de la Oumma, parce qu'ils sont vraiment, vraiment littéralement, elles passent aux oubliettes. Sauf que, contrairement aux SDF qu'on peut croiser dans la rue, aux malades qu'on peut visiter à l'hôpital, comme certains aiment se vanter, on va dire ça comme ça, de visiter les gens à l'hôpital, etc. Mais toutes ces personnes-là, certes, elles sont dans le besoin, mais elles n'atteignent pas le degré d'épreuves que le prisonnier il endure. Donc il a des problèmes d'argent, des problèmes de couple, parce que on l'a expérimenté à l'époque. Je faisais partie de l'association Salabil, et ça on l'a vu. Quand le mari ou quand le frère il est en prison, c'est toute la famille qui prend, et pas que lui. La famille elle se retrouve à la rue parfois, sans rentrée d'argent, etc., etc. Les enfants qui sont dans des situations complexes avec l'éducation, et j'en passe. Et parfois, le prisonnier, donc, la femme, enfin la famille, pour être plus général, supporte pas l'épreuve de son mari. Donc, elle choisit soit de demander le roule, c'est-à-dire c'est une forme de divorce dans l'islam, soit carrément de partir en fugitive et elle sort de sa vie comme ça, sans nouvelles, sans rien. Soit elle est possible qu'elle tombe dans le péché, de la fornication, etc. Donc son mari croupit derrière les barreaux. Donc en fait, le prisonnier, pour moi, il réunit toutes les épreuves, on va dire, les plus dures chez l'être humain, c'est-à-dire l'argent, la famille, la maladie. En prison, c'est un univers. Il faut comprendre que la prison, c'est une forme de vie. D'accord, c'est une vie dans une vie. Sauf que c'est pas une vie qu'on conçoit. C'est très particulier. Je pourrais pas vous expliquer avec des mots. Faut le vivre pour le comprendre. C'est une forme de vie et voilà, ça peut atteindre beaucoup de gens psychologiquement, d'où le fort taux de suicide. Ça peut aussi, d'ailleurs, pas que le fort taux de suicide, il y a aussi le nombre élevé de personnes qui sont sous psychotropes. Il y a, comme je l'ai dit, donc il y a les problèmes d'argent, d'autant plus que ces gens-là, comme on les passe aux oubliettes, comme je l'ai dit au départ, on leur en notre mandat. Donc il y a aussi les problèmes de divorce qui créent donc des cassures dans les familles. Et donc s'il y a des cassures dans les familles, ça crée des cassures dans la société, etc. Donc en fait, ça a un impact même sur la société entière, on va dire. Il y a la maladie. Il y a des personnes qui tombent malades corporellement à cause des épreuves psychologiques, parce qu'on sait que le psychologique, il influe sur le corporel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Il y a l'injustice des agents pénitentiaires. Il y a l'injustice du système en lui-même, parce que parfois les personnes elles se retrouvent en prison alors qu'elles n'ont absolument rien fait. C'est très vaste, très compliqué. Le but c'était pas trop détaillé, mais comprenez donc que le prisonnier c'est vraiment celui qui endure. Moi je considère que c'est celui qui endure le plus. Et encore, on va dire que dans un pays comme la France, à part certaines prisons, dont je ne vais pas citer les noms, mais on va dire qu'il y a des prisons dans le monde où l'épreuve est bien plus grande. Parce que là, on parle de torture, on parle de viol, on parle de coups, de blessures, de torture psychologique, corporelle, etc. Ils ont carrément innové dans la torture. Il faut savoir que s'il y a des gens comme ça, c'est des démons sur Terre. La torture est devenue une science à part entière. Donc, nous, on est là. Bon, c'est vrai, tout à l'heure, on parlait entre nous. L'autre, il était à Fleury, l'autre, il était à Fresnes. Bon. Mais Alhamdoulilah, c'est pas Guantanamo, c'est pas les prisons de Bachar ou de Tarout, c'est pas les prisons secrètes de la CIA au Maroc ou ailleurs. Donc Alhamdoulilah, on se plaint pas, on va dire. Mais voilà, sachez que le prisonnier, de manière générale, et en particulier dans le monde, il subit des épreuves vraiment terribles. Et voilà, Inch'Allah, faut pas les oublier dans nos doigts. Donc à Sobre, comme je disais, ça vient de... peut venir de Habasa, donc qui est le fait de se retenir, donc d'où le terme Habs, qu'on traduit par prison, etc. Donc les savants, pour en revenir sur le, pour en recentrer le sujet sur le sobre, les savants ont parlé du sobre donc à travers différents versets. Vous savez bien, dans le Coran, la patience est un sujet qui revient régulièrement. Une sourate qui est très connue, c'est la sourate Al-Asr. Donc, cette sourate, elle nécessite beaucoup d'explications, mais on va résumer. Donc, Allah, par exemple, dans la sourate Al-Asr, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah dit: Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bon, je vais pas m'étendre sur le tafsir de la sourate, mais juste pour revenir au mot sabr, les savants, quand ils ont parlé de la quatrième partie du dernier verset, donc qui parle du sobre, ils ont donné trois types de sobre, trois types de patience, trois types d'endurance. La première, c'est la patience dans l'accomplissement des obligations. Le fait de faire la prière, les ablutions, remplir ses obligations religieuses quotidiennement, ça, forcément, ça demande de la patience. La deuxième type d'endurance, c'est l'endurance dans l'abstinence des interdictions. Le fait de se retenir, de suivre ses passions, de ne pas commettre des interdits comme le fait de boire de l'alcool, pour certains qui étaient accrochés dans la jahiliya ou la fornication, etc. Ça demande aussi un niveau de patience que l'être humain doit avoir par rapport à ce deuxième type d'endurance. Et la troisième, c'est la patience face au décret d'Allah, ou le décret divin, au qadar. Ça inclut donc toutes sortes de patience. Toutes sortes d'épreuves que j'ai citées tout à l'heure, par exemple la faim, la soif, etc. etc. Donc ça, c'est Allah qui nous dit dans le Coran, quand il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution des biens, etc. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Donc, ce verset, entre autres, il parle des types d'épreuves. Donc on est éprouvé dans la faim, on est éprouvé dans la peur, on est éprouvé dans les diminutions des biens, dans nos personnes, par exemple la mort d'un proche, etc. Allah, il a donné plusieurs versets comme ça, où il donne des types d'épreuves comme ça. mais c'est résumé, on va dire, globalement dans ce verset. Donc Allah nous dit wa bashir as-sabirin. Qui sont ces sabirin? Bah, c'est le verset d'après qui l'explique. Alladhina idha asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ceux qui, quand un malheur les atteint, disent certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. C'est ça, les endurants, c'est ceux qui, malgré les épreuves, ils reviennent toujours à Allah et ils savent qu'il y a un au-delà et que la vie sur terre, elle est courte et que de toute façon, l'épreuve, elle est limitée, elle est temporaire, quoi qu'il arrive, et que ce qui est auprès d'Allah est bien mieux. Et ensuite, Allah, il nous dit, par rapport à ces endurants, أولئك الذين عليهم أولئك الذين على صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Je vais faire dans le verset, mais dans la traduction approximative, ce sont ceux sur qui les salawat d'Allah sont, ainsi que la rahma, ainsi que la miséricorde. Donc les prières d'Allah sont sur eux et la miséricorde, et c'est eux les bien guidés. La récompense, en fait, Allah veut nous montrer que la caractéristique des endurants, leur récompense, c'est le fait, premièrement, qu'on a les bénédictions d'Allah, les prières d'Allah, traduit littéralement. Les prières d'Allah, évidemment, Allah ne prie pas, hein, comme nous prions, mais les savants ont expliqué que c'est des bénédictions sur les serviteurs, etc. Et la rahma, la miséricorde. Vous savez bien que sans la miséricorde d'Allah, ben, on n'est plus rien, on n'a plus rien, on a tout perdu, on fait partie des perdants, ici-bas comme dans l'au-delà. Puisqu'Allah nous dit dans le verset que sa miséricorde s'étend sur toute chose, et que le hadith bien connu qui nous dit qu'on rentrera au paradis que par la miséricorde d'Allah et pas par nos œuvres, bon, même si ça nécessite un taksim, c'est-à-dire une catégorisation pour expliquer ce hadith, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. En gros, les endurants, ils bénéficient des bénédictions d'Allah, de sa rahma, et Allah nous dit même qu'ils sont des bien guidés. Ça, c'était donc pour les types d'épreuves face au décret divin. Après, il y a des savants, ils ont donné aussi, enfin, ils ont donné cinq types de patience, mais ils l'ont tourné autrement. En fait, ils sont un peu, on va dire, calqués sur les niveaux dans le fiqh. Vous savez, l'amable, l'interdit, etc. Donc, ils ont dit, il y a la patience obligatoire. Donc, la patience obligatoire, c'est ce que je viens de citer précédemment, c'est dans les trois types de patience. C'est-à-dire, on est obligé d'accomplir nos prières, etc. On est obligé de s'abstenir de faire des péchés. Et on est obligé de patienter quand l'épreuve, elle nous touche. On n'a pas à renier le destin et à se rebeller contre le décret d'Allah, etc. Donc ça fait partie de la première catégorie, comme les savants disent, c'est la patience obligatoire. Après, il y a la patience recommandée. Donc c'est ce qui touche aux choses surérogatoires. Par exemple, la patience dans le fait d'accomplir des œuvres, des prières surérogatoires. La patience dans le fait de s'abstenir de consommer des choses qui sont macro, détestables, c'est-à-dire qui ne sont pas interdites, mais qui sont soit détestables ou soit sur laquelle il y a un doute. Par exemple, sur des additifs alimentaires, par exemple le 471, des fois c'est douteux, on ne sait pas si c'est d'origine végétale ou animale. Donc le patient, enfin, on va dire le degré de patience recommandé, c'est celui qui va s'abstenir puisqu'il a un doute. Il ne sait pas si c'est d'origine végétale ou animale, donc ce n'est pas haram, c'est douteux. Mais lui, par son degré de foi un peu plus élevé que la normale, il décide de s'abstenir de consommer ce colorant, enfin cet additif alimentaire. La troisième catégorie de patience, c'est la patience qui est interdite. C'est-à-dire patienter sur des choses qui nous est interdite de patienter sur, par exemple le fait de s'abstenir et de boire un moment où ce délai sera trop long et qui va provoquer la mort chez l'être humain. On n'a pas le droit de jeûner 3 mois d'affilée sans boire, sans manger, etc. Ça, c'est interdit, même si l'être humain, le corps humain, il peut supporter certaines choses, c'est pas parce qu'il peut supporter certaines limites extrêmes que on doit se jeter dans ce genre d'épreuve. La quatrième catégorie, c'est la patience dans ce qui est détestable. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, par exemple, s'abstenir de certains aliments déconseillés ou s'abstenir volontairement, par exemple, de relations avec sa femme, alors que c'est pas à faire. Tout ça pour soi-disant obtenir un degré de patience, etc. Ça, on trouve ça beaucoup chez les sectes soufis qui s'interdisent, on va dire, des choses que Allah leur a rendues licites. D'accord ? Et en plus de ça, ils se font injustice à eux-mêmes, ils peuvent faire injustice à d'autres personnes. Donc ça, c'est la patience qui est détestable, et la patience, voire interdite même, qui rejoint aussi l'interdiction. Et ensuite, il y a la patience qui est permise. De manière générale, c'est dans tout ce qui est autorisé. Voilà. Donc, la patience, elle a des degrés. Le musulman, il a un minimum de patience. Et plus il patiente, plus son degré auprès d'Allah, il est élevé. D'accord ? Il peut atteindre un degré auprès d'Allah tellement élevé que le serviteur, parfois, dans une épreuve, il se réjouit de l'épreuve. C'est-à-dire, il est malade, il tombe malade, par exemple, il a un cancer, je sais pas quoi, ben ça l'affecte pas, il en est même content. Ça, c'est un degré très élevé, évidemment. C'est pas tout le monde qui atteint ce degré-là, mais il existe. Il faut savoir que ça existe. Allah, quand il parle de la patience dans le Coran, par exemple dans la sourate Ash-Shura, il nous dit que inna dhalika min azmil umur. Cela fait partie de ce qu'on pourrait traduire par la bonne résolution dans les affaires. Pour avoir un peu une idée de ce qu'est le azm, on va dire, enfin, la azima, comme certains disent, la volonté, en fait. C'est la volonté, c'est le fait de faire des choses, etc. Enfin, ouais, on va dire la volonté, d'accord. Allah, il a parlé de ce degré-là, donc, et on peut voir que c'est en corrélation, par exemple, avec les derniers versets de la sourate Al-Ahqaf, la sourate 46, où Allah, il nous demande justement de patienter. Enfin, il dit « Fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul » et patiente comme ont patienté les gens du azm parmi les messagers. Donc les savants dans les tafsirs, vous trouvez que ulul azm, c'est mina rusul, donc parmi les messagers, c'est les plus grands prophètes comme Mohammed sallam, Moussa alayhissalam, Isa alayhissalam, Nuh alayhissalam, Ibrahim alayhissalam, si ma mémoire est bonne. Donc Allah, il demande de patienter comme eux, pour montrer que quand on patiente, on peut obtenir un degré très élevé auprès d'Allah. D'autant plus que Allah, quand il parle de la patience et qu'il a lié avec les messagers, c'est pour montrer que le fait de vouloir emprunter le chemin des messagers, le fait de suivre les messagers, comme Allah nous demande, ça va forcément impliquer des épreuves, et c'est pour ça qu'il va falloir patienter. Donc, nous, on est musulmans, alhamdoulilah, mais c'est pas en disant « La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah », comme on dit, c'est la clé du paradis, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, comme si on avait atteint un palier et qu'on ne pouvait pas revenir en arrière et qu'on avait une garantie d'entrer au paradis sous prétexte qu'on avait prononcé la parole, la profession de foi. Non, la shahada, c'est l'étape par laquelle tu rentres dans la religion. Mais déjà, cette shahada, elle a des shurut, ça, ce qu'on avait expliqué dans des cours plus anciens. Et d'autant plus, tu dois préserver cette shahada. Tu n'es pas à l'abri de l'annuler par une croyance, une parole ou un acte de mécréance. Donc, le musulman, il œuvre toute sa vie. Pas juste au début, il récite la ilallah et après il rentre au paradis. Non, le musulman, il œuvre toute sa vie jusqu'à la mort. Et plus il va vouloir suivre le chemin des messagers et des prophètes de salam, plus il aura des épreuves. C'est ça que la personne doit comprendre. Plus tu veux te rapprocher d'Allah, plus tu auras des épreuves. Allah, quand il nous dit, par exemple dans la sourate Al-An'am, et la sourate Al-Furqan, donc en fait c'est deux versets qui se ressemblent. Dans la sourate Al-An'am, c'est le verset 112, quand Allah il nous dit wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-jinn shayatin min al-jinn wal-ins, c'est-à-dire ainsi avons fait à chaque prophète un ennemi parmi des diables parmi les hommes et les djinns. Allah nous dit que ce sont des diables parmi les hommes et les djinns. À partir du moment où toi tu as décidé de suivre le chemin des messagers, sache que tu auras des ennemis, qu'Allah a considéré comme des diables, il les a qualifiés de diables, parmi les hommes et les djinns. Pas juste les hommes ou pas juste les djinns, les deux. Donc t'étonne pas si tu subis des injustices comme on en a subi, alhamdoulilah, lors de l'état d'urgence avec toutes leurs injustices et leurs. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pareil pour ceux qui sont attaqués parfois par des djinns la nuit ou par des sortilèges confectionnés par des sorciers, des sales diables humains, vraiment il n'y a pas d'autre mot. Il ne faut pas s'étonner d'avoir ce genre d'épreuve, être atteint d'un sihr, être atteint d'une tabi'a la nuit ou d'un djinn pervers. Enfin, c'est pas djinn amoureux, hein, c'est djinn pervers. Djinn amoureux, c'est, on va dire, c'est pas une légende, mais c'est Je préfère dire djinn fasiq que djinn ashiq. C'est, voilà, j'ai pas, ça c'est un sujet qu'on pourrait voir par ailleurs, inshallah. Voilà, tout ça pour dire que forcément la personne qui a décidé de suivre le chemin tracé par les prophètes, il aura des épreuves. Et dans la sourate Al-Furqan, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin, Allah dit min al-mujrimin, c'est-à-dire parmi les criminels. Ces gens-là sont des criminels. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des criminels derrière votre dos, nuit et jour, qu'ils soient parmi les hommes ou parmi les djinns. Et je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui subissent ce genre d'injustice, ce genre d'épreuve, ici même en France. Il n'y a même pas besoin d'aller ailleurs. En France, on le subit, on l'a subi, on va probablement le subir, Allahu a'lam, qu'Allah nous préserve. La patience, donc... les épreuves, c'est ce qui permet de faire la différence entre les gens sincères et les hypocrites. Allah, il nous l'a précisé ça dans le début de la sourate Al-Ankabut, quand il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Quand l'être humain pense-t-il qu'on le laissera dire nous croyons sans les éprouver? Donc forcément, quand tu vas prétendre à la foi, sache que tu seras éprouvé. Et ensuite, dans le verset 3, Allah nous dit, ainsi Allah reconnaît Allah reconnaît certes les sincères et reconnaît certes les menteurs. Donc l'épreuve, elle tranche entre les personnes sincères et les personnes qui mentent, c'est-à-dire qui prétendent à la foi alors que dans leur foi, il n'y a pas un atout de foi, ou alors leur degré de foi est très faible. La même chose, vous avez la même idée qui est dans la sourate Mohammed, quand Allah il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, donc jusqu'à la fin du verset, nous certes nous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions qui sont parmi vous les mujahidines, les patients. Donc, on voit aussi que le mujahid, forcément, il a un degré de patience. Et donc, Allah, le but de l'épreuve, c'est de savoir qui est réellement patient, qui est réellement un mujahid, qui est réellement une personne qui suit les messagers et les prophètes. Vous voyez, on le constate, les épreuves, comme on dit, ça purifie les rangs. C'est-à-dire, dès qu'il y a une épreuve, on voit si la personne, elle est sincère ou pas. Parce que quand tout va bien, bah, c'est facile. Quand tout va bien, tout le monde va à la mosquée, tout le monde prie, tout le monde jeûne, tout le monde prétend telle et telle et telle chose. Hein. Mais quand il y a l'épreuve, c'est là où on commence à voir de moins en moins de personnes. Vous voyez, par exemple, je donne l'exemple de l'état d'urgence. Il y a des gens, ils ont subi une perquisition, par exemple. Voilà. Ils ont considéré la perquisition comme si c'était, comme si c'était l'enfer, limite. Mais c'est rien, une perquisition. Les gens, ils ont renié la foi pour une perquisition. Ils ont commencé à sortir des phrases comme « Oui, mais moi, je fais même pas la prière. Je vais à la plage en bikini. Je comprends pas. » Oui, mais c'est une perquisition. Une perquisition. C'est-à-dire, on vient chez toi, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'épreuve. Moi, je considère que la perquisition, c'est pas une épreuve. Si déjà, avec une perquisition, les gens, ils renient leur foi en disant « Je ne fais pas la prière. Je vais à la plage en bikini. » Et j'en passe. Vous pouvez déjà jauger le degré de foi de cette personne. J'ai envie de dire, c'est ridicule. Et pareil, en garde à vue, il y a des frères qui ont pleuré. Garde à vue, pour eux, garde à vue, c'est rien de garde à vue. Désolé, c'est pas que c'est rien, mais c'est pas une épreuve comme si, comme les sahaba ont vécu les épreuves à Mecca, quand le prophète dans surat Al-Baqarah, Allah nous dit A'udhu billahi minash-shaytanir rajim, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah nous dit, donc traduction approximative, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas subi des épreuves semblables à ceux qui vous ont précédé, Masatu al-Bassa wa Dharra, bon, je ne sais pas comment traduire en français, donc on va dire des épreuves et des fortes épreuves, des tremblements, etc., les ont touchés, jusqu'à ce que leurs prophètes et ceux qui ont cru avec lui disent à quand viendra la victoire. Et Allah dit, certes, la victoire d'Allah est proche, mais pour vous dire que quand ils disent à quand viendra la victoire, c'est-à-dire qu'ils subissaient vraiment des grandes épreuves, des tortures, des persécutions, ils ont dû émigrer, etc. Là, tu te compares à ces gens-là, tu compares ta piètre personne en te prétendant salafi, et tu te compares à des salafs alors que tu es loin des salafs, et dans la croyance, et dans les propos, et dans les actes, et dans les épreuves. Tu n'as rien à voir avec les salafs. Les salafs, ils ont subi des épreuves que tu ne peux pas prétendre à avoir le degré d'épreuve qu'ils ont subi. Tu pourras le prétendre à partir du moment où tu seras ferme dans ta religion, que tu suivras réellement les prophètes de par leurs croyances, leurs propos et leurs actes, mais pas juste en disant « oui, je suis salafi » et après j'ai une petite perquisition, hop, la foi elle disparaît, « oui, mais si, oui, mais cela » et toutes les phrases que vous avez pu entendre sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc, les épreuves, on parle de réelles épreuves. Un frère qui fait 24 heures de garde à vue, qui pleure, qui commence à sortir des phrases relevant de la mécréance, bah déjà, il y a un problème. À plus forte raison, quand des sœurs, là on parle des femmes, hein, des sœurs, elles sont allées en garde à vue, elles ont fait des 96 heures, elles n'ont pas bronché une minute, elles n'ont pas pleuré, elles ont été fermes, et limite, il y en a une que j'ai côtoyée, elles se sentaient hypocrites de pas parler, de pas défendre... la vérité. Elle a dit au bout d'un moment, j'en avais marre, j'avais envie de leur dire la vérité en pleine face. Et c'est une sœur. Et elle a fait 96 heures. Et normal. Elle est sortie normale. Et il y a des frères, soi-disant, talib al-ilm, papa, etc. Ils ont pleuré. Donc, vous voyez, ça sert à rien de dire, moi je suis un talib al-ilm, moi j'ai la barbe, moi ceci, moi je suis salafi, il peut avoir un turban qui fait 33 fois le tour de la tête, il peut avoir une barbe qui arrive jusqu'au nombril, il peut s'habiller en qamis d'afa blanc resplendissant et faire le chir devant les gens, ça sert à rien ça c'est du vent, ça tout le monde sait le faire. Là où on voit les vrais croyants, c'est dans les épreuves. Comment t'étais quand t'étais en garde à vue? Comment t'étais quand t'étais derrière les barreaux, hein? Là je vais parler de la prison, je vais donner une petite anecdote. En prison, il y a des gens, ils regardent la petite maison dans la prairie. En prison, il y a des gens qui regardent plus belle la vie. Elle est où ta patience? Il y a des gens, ils ont des frères, hein, ils ont demandé des PlayStation. De quelle patience tu parles? Tu prétends être quoi là? Tu crois que t'es quoi? T'es rien. T'es rien du tout par rapport aux sahaba. T'es même pas digne de... Bref. Donc la patience, voilà, c'est le degré de foi des gens, on le voit dans les épreuves. Désolé, je m'étale un peu, mais en gros, pour résumer, c'est dans les épreuves qu'on reconnaît les gens sincères et les hypocrites. Il faut savoir que donc on sera éprouvé suivant notre foi, suivant notre degré de foi, d'accord ? Et Allah, donc on sera éprouvé suivant notre foi, comme j'ai cité avec les versets comme j'ai donné. Et bon, il y a plein d'autres versets qui parlent de l'apparence, hein, je ne peux pas tous les citer. Quand Allah, par exemple, dans Sourate Al-Muzammil, il dit « Wasbir ala ma yaqulun » ou Allah, quand il dit dans la Sourate Al-Imran, verset 186, que certes, vous serez éprouvés dans vos personnes et vos biens, que vous entendrez de la part de ceux à qui on a donné le livre avant vous et des associateurs, beaucoup de propos méprisables, enfin, voilà, des choses qui affectent vraiment les personnes. Donc, en général, la personne, plus elle va se rapprocher d'Allah, plus elle va subir, donc, des propos, même des vulgarités de la part des non-musulmans, etc. Mais Allah nous demande de patienter et de s'en remettre à lui. Donc on sera éprouvé suivant notre degré de foi. Plus on aura la foi, plus on sera éprouvé, c'est normal. C'est ce qu'Allah établit dans les lois, on va dire, universelles chez l'être humain. Ensuite, si une épreuve t'atteint, ne dis pas « Ah, je ne peux pas la surmonter. » T'es un menteur. Tu mens, parce qu'Allah, il a dit le contraire. Allah, dans la fin de la sourate Al-Baqarah et dans d'autres versets, il te dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Traduction approximative, nous ne chargeons pas une âme d'une charge qu'elle ne peut pas supporter. Donc sache que si tu as une épreuve, quelle qu'elle soit, une maladie, un problème de couple, tu passes par un temps difficile au niveau de la diminution des biens, etc., c'est, si tu as cette épreuve, c'est que tu peux la surmonter. Si tu dis le contraire, tu es un menteur parce qu'Allah t'a déjà démenti dans le Coran. Donc ne t'apitoie pas sur ton sort, sois fort, prends ton mal en patience et Inch'Allah, ce sera un khayr pour toi. Et donc on sait, donc j'en viens à ce point, que l'épreuve, c'est un khayr pour le croyant. Donc ça, on tire des versets. Par exemple, Allah dans la sourate Al-Baqarah, dans les versets que j'ai cités tout à l'heure, moi j'ai cité les versets relatifs à la patience. Mais avant, au verset 151, Allah il nous parle des bienfaits qu'il a attribués à l'être humain. Allah il nous dit qu'il lui a envoyé un messager, qu'il lui a fait connaître le livre et la hikmah, etc. Et donc Allah nous dit Fadhkuruni adhkurkum washkuri washkuruli wala takfurun à la fin de ce verset. Donc les savants, et ensuite il y a le verset d'après où Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Donc dans les versets, on va dire les versets 151 à 157, Allah il a parlé des gens patients. En première partie, il a parlé des gens patients dans les bienfaits. Et dans la deuxième partie, il a parlé des gens patients dans les épreuves. Et ça, cette idée-là, on la retrouve dans le hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que, traduction approximative, l'affaire du croyant est extraordinaire. S'il lui arrive un bien et qu'il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Donc là, on peut comprendre ça des versets 151 et 152 de la sourate Al-Baqarah. Et ensuite, le Salem il continue en disant « Et s'il lui arrive un mal, et qu'il patiente, c'est aussi un bien pour lui, et ceci n'est valable que pour le croyant. » Donc l'épreuve pour le croyant, qu'elle soit dans une épreuve au niveau du bien ou au niveau du mal, parce que là, dans le Coran, il nous dit que vous serez éprouvé par le mal et le bien à titre de fitna, enfin, à titre de tentation. Donc le fait d'être milliardaire, c'est une épreuve. Le fait d'avoir quatre femmes, c'est une épreuve. Le fait d'avoir des biens en abondance, ce sont des épreuves. En fait, Allah il vous éprouve et il veut voir ce que vous allez faire de ces bienfaits. Est-ce que vous allez les dépenser correctement ou est-ce que vous allez vous montrer avare, etc. Donc ça, Allah il parle de ces catégories de personnes-là. Il y a les deux, donc il y a la patience dans les bienfaits et il y a la patience dans l'épreuve. Et le prophète Salem, dans le hadith rapporté par Muslim, il nous dit que de toute façon, que ce soit la patience dans les bienfaits et si on remercie Allah et la patience dans l'épreuve et qu'on endure, et bien de toute façon, c'est un bien pour le croyant. Donc chaque épreuve qui te touche, que ce soit un problème de couple, de maladie, de diminution de biens, de prison, de ce que vous voulez, toutes ces épreuves-là, je sais que c'est facile à dire. Et je sais que des fois, on ne peut pas comprendre des choses tant qu'on ne les a pas vécues. Et comme les savants disent, celui qui voit n'est pas comme celui qui entend. Mais juste, comme on m'a dit, c'est juste un rappel. Sachez que n'importe quelle épreuve qui vous touche, c'est un bien pour vous. Donc ne vous attristez pas. Et soyez patient, et Inch'Allah, vous aurez des hauts degrés auprès d'Allah. Donc pourquoi, parmi les raisons pour lesquelles l'homme est éprouvé, parce que parfois ils se disent, les gens, oui, mais pourquoi j'étais à l'épreuve? On ne sait pas. Déjà, on ne sait pas pourquoi forcément, et parfois on sait. Mais quand on ne sait pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être pour vous augmenter des degrés auprès d'Allah. Ça peut être pour vous protéger d'un bien. Par exemple, une personne a dit « Ouais, je comprends pas, j'arrive jamais à me marier. » D'accord, mais dis « Alhamdoulilah » parce que ça se trouve, les personnes avec qui tu avais fait mon Kabbalah, ce sont de très mauvaises personnes. Tu ne sais pas, toi, tu n'as pas vu. Allah, il connaît les cœurs, toi, tu ne connais pas. D'accord. Ça, c'est un verset dans la Sourate Al-Baqarah encore, dans le verset 216 que le frère l'a cité tout à l'heure. Quand Allah dit « Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum » وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, et vous ne savez pas. Donc c'est ça que vous devez vous graver ça dans votre cerveau. Allah, il sait, et vous ne savez pas. Donc quand il y a une épreuve, ou quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ne dis pas « Ah, mais pourquoi j'ai ça ?» Non, Allah, il sait mieux que toi. Patiente. Et Inch'Allah, tu verras bien mieux. Parce qu'il faut savoir que plus on patiente, plus le bien qui en découle est grand. Donc par exemple, et plus la patience, plus l'épreuve est dure, plus ça montre que la patience, l'épreuve va prendre fin. Donc par exemple, dans le verset 214 que j'ai cité tout à l'heure, quand on a dit Ala inna nasrallahi qarib, quand eux ils ont demandé à quand la mata nasrallah, à quand le support d'Allah, Allah il a dit qu'il était proche. Et donc ça montre que plus l'épreuve est dure, plus la fin de l'épreuve est proche, inshallah. D'autre part, plus nous passons dans l'épreuve, plus le bien qui en découle est grand. Vous avez un exemple dans la sourate Yusuf. Yusuf alayhi salam, quand vous voyez du début à la fin de la sourate, il a été éprouvé, il a été rejeté par ses frères, il a été jeté dans un puits, il s'est retrouvé dans une famille en Égypte où il a subi des injustices, on l'a accusé de fornication, il s'est retrouvé en prison, et Allah nous dit qu'il a passé un grand temps dans la prison, etc, etc, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Allah lui a rendu sa famille, il est devenu, on va dire, comme un vizir en Égypte, un gouverneur. Donc le bien qui en a découlé, il était beaucoup plus grand. Un autre exemple qui montre que le fait de patienter dans l'épreuve, plus on patiente, plus le bien qui en découle est grand, c'est à la bataille, bon, il y a une divergence si c'est la bataille de Badr ou la bataille de Uhud, mais dans la sourate Ali Imran, Allah, quand il a parlé qu'il allait envoyer 3000 anges, ensuite il nous dit Bala in tasbiru wa tattaqu, donc si vous patientez et vous craignez Allah, wa'tukum, j'ai oublié le verset, que Allah, et que, enfin, si vous patientez et que vous craignez Allah, Allah il va vous envoyer en renfort 5000 anges, ou ça ou 8000. Allah, les premiers anges, ils étaient appelés Munzalin, ceux qui descendent, on va dire. Et Moussa Ouimin, dans le, quand Allah il a parlé des 5000 anges, c'est ceux qui sont, on va dire, marqués ou qui ont un signe distinctif. Donc Allah il a dit que si on patientait, eh ben, les 3000 anges ils deviendraient des 5000 anges, donc le nombre est augmenté, et en plus de ça, leur caractéristique elle est autre que celle précédemment citée dans le verset. Donc plus vous patientez, plus le bien qui va en découler, il est grand. Un autre exemple, c'est avec la femme d'Ibrahim a.s. Le hadith dans les deux mémoires, il est rapporté dans le Bukhari, où Ibrahim alayhi salam il avait dit à sa femme donc d'aller dans le désert, etc. Et le hadith il relate comme quoi bah, elle patientait, ensuite elle n'avait plus rien, elle avait peur pour son enfant, et donc elle a couru dans le désert, et c'est pour ça que au Hajj on réalise le même parcours. Et ensuite elle a creusé et elle a trouvé l'eau de Zamzam. Je résume le hadith. Elle a pris de l'eau de Zamzam. Et de mémoire, le Prophète salam dans le hadith, à la fin, il dit si elle avait patienté plus, le jet de Zamzam il aurait été plus grand, en fait. On n'aurait pas juste eu un petit cours d'eau, enfin, je ne sais pas exactement comment il est actuellement, mais le hadith il montre qu'on aurait eu encore une eau beaucoup plus jaillante que ce qu'il y a actuellement, du fait qu'elle aurait patienté. Donc plus elle aurait patienté, plus l'eau, donc la récompense, aurait été grande. Et Allah il nous parle des croyants, et dans la sourate Az-Zumar il nous dit que leur croyance elle sera gré li hisab, sans compter. Allah il compte pas ses bienfaits, et en parlant des endurants, Allah il leur a dit que leurs récompenses elle sera sans compter. Donc je vais conclure, Inch'Allah, j'en arrive dans les derniers points. Une mauvaise notion qui est citée par beaucoup, c'est que les gens ils pensent que patienter c'est croiser les bras. Non, patienter ça ne veut pas dire ne rien faire. Patienter, c'est-à-dire tu prends ton mal en patience, mais en parallèle tu effectues les causes. Donc si tu as un problème, tu fais les causes pour résoudre ton problème. Si tu as un problème de couple, tu cherches à faire une médiation. Si tu as un problème de maladie, tu consultes des médecins, tu vas à l'hôpital, tu fais des examens, tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir, si on peut dire ça comme ça, pour faire changer les choses. Donc tu prends ton mal en patience, mais tu fais les causes. On ne fait pas comme certains qui disent « Ouais, qu'Allah leur facilite, si, ça, ils ont des belles phrases, mais ils font rien. » Non, tu œuvres. Tu fais les choses. Oui, certes, tu vas faire dua, et ça, la dua fait partie des causes et même des plus grandes causes. Mais il n'y a pas que la dua, il faut bouger, il faut agir. D'accord ? Mariam alayhi salam, elle a pris son mal en patience, les douleurs de l'enfantement elles étaient atroces, et Allah il lui a quand même dit tire, enfin bouge le palmier. D'accord ? Pourquoi il va bouger le palmier et après il y a des dattes qui vont tomber? Qu'est-ce qu'elle en a à faire avec des dattes alors qu'elle est en train de souffrir par rapport à son accouchement? Ça c'est pour montrer que même dans l'épreuve, on doit faire des causes, on doit bouger, on doit s'activer. D'accord ? Allah il leur a dit de bouger le palmier, et elle a bougé, et ensuite il s'est passé ce qui s'est passé. Pareil, quand Moussa alayhi salam il était poursuivi par Pharaon le Tarout et son armée, Allah il était bloqué entre derrière le Tarout et son armée et la mer. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de situation plus chose que celle-là, vous espérant tout. Il est bloqué, il est pris en sandwich. Qu'est-ce qu'il fait? Bah certes, il a fait doigt, mais Abraham lui a dit, prends ton bâton et frappe le rocher. Pour montrer qu'il devait faire une cause. La cause, elle paraît ridicule. On va taper avec un bâton sur un rocher, ça va faire quoi? Ça va rien faire. À première vue, suivant les lois physiques et chimiques que Allah il a installées dans l'univers, dans le fondement. Mais Allah, il est capable de tout. S'il nous demande de faire une cause, c'est parce qu'il est capable de tout. Et s'il veut que les lois physiques et chimiques qu'il a créées à la base, Allah, il est au-dessus de ces lois qu'il a créées. S'il a voulu que la mer, elle s'est ouverte, bah, la mer, elle s'est ouverte. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il fallait faire une cause. La cause, c'était de frapper le rocher avec son bâton. Et Moussa al-Salam, il l'a fait. D'accord? À la bataille de Badr, la même chose. Le prince Salem, il a fait quoi? Allah lui a dit de prendre une poignée de terre, de sable, peu importe, et de la jeter face à l'ennemi. Qu'est-ce que ça va faire à la base? À la base, on n'est pas censé faire des dégâts. Mais Allah, il est capable de tout. Il veut montrer par là, en fait, il veut donner des leçons. Des leçons dans le sens où c'est pas parce qu'on est croyant, c'est pas parce qu'on se dit qu'on suit les prophètes, qu'on se dit musulman, qu'on dit nous croyons, etc., que d'une part on ne sera pas éprouvé et que d'autre part il faut rester les bras croisés. Non, il faut agir, il faut faire les causes. Et ça, c'est Allah qui nous a donné ses meilleurs exemples pour montrer qu'on ne doit pas rester inactif. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait qu'il ne faut pas sauter l'épreuve. L'épreuve, là, tout ce que je voulais vous expliquer, bon, elle nous touche, Inch'Allah, on patiente, on essaye de la changer avec les causes comme on peut, bien là. Mais il ne faut pas sauter l'épreuve. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'être dans l'épreuve, c'est un bienfait. Oui, c'est un bienfait, c'était croyant, etc., mais il ne faut pas le vouloir. Le prophète Salem, dans un hadith, il nous dit ne souhaitez pas la rencontre avec l'ennemi. Il nous l'a dit. Et pourtant, il y en a plein, ils veulent aller envers l'ennemi. Ils disent ouais, je vais être shahid, nanani. Non, le prophète, il ne t'a pas dit de souhaiter la rencontre avec l'ennemi. Il t'a dit de faire ce que tu as à faire. Et ensuite, si, il te dit, si l'ennemi est là, donc s'il arrive le temps d'une bataille, etc., et bien soyez patient, soyez ferme. C'est ça qu'il nous demande, le prophète. Mais on ne souhaite pas l'épreuve, on ne se jette pas dans l'épreuve. On ne fait pas comme certains soufis, comme Ibn Jaouzi, le rapport par exemple dans Talmud Siblis ou là, d'autres histoires, hein, ils parcouraient le désert comme ça, ils se jetaient en plein dans le désert, au milieu des fauves, et ils disaient, Allah va me sauver. Et il croyait qu'il avait subi une épreuve et qu'il faisait parmi des patients. Mais Allah, il t'a pas demandé de te jeter dans la gueule du lion. Allah, il t'a pas demandé de te jeter d'une falaise. Et après, tu dis, je fais doua, elle va me sauver. Allah, il t'a pas demandé de te jeter de la falaise. Non, tu ne souhaites pas l'épreuve. Tu fais ce que tu as à faire. Allah, s'il t'a permis d'avoir des bienfaits, tu les utilises vis à vis là. Si tu as même des épreuves, bon, Inch'Allah, tu passes en vis à vis là, mais tu ne souhaites pas l'épreuve. Juste, quand elle arrive, Allah, il te demande de patienter. Et Inch'Allah, si tu passes correctement, tu auras une récompense fit dunya wa fil akhirah. Dernière chose par rapport au verset, justement, quand on passe dans l'épreuve, Allah dans la sourate, j'ai oublié le nom de la sourate, mais c'est quand Allah il nous dit Alam nashrah laka sadrak. Ensuite, au milieu de la sourate, il nous dit Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, après la difficulté, il y a la facilité. Après, il répète. Et certes, après la difficulté, la facilité. Les savants, ils ont expliqué que le terme usra, fa innama al-usri yusra. Ils ont dit que le terme al-usri, en fait, il était défini par l'article, et alors que le terme yusra, il était indéfini. Ça prouve que, ils ont expliqué que le terme facilité, il était indéfini. Pourquoi? Parce que certes, on va être éprouvé par une difficulté, mais Allah, dans sa miséricorde, il va nous récompenser par plusieurs facilités. Le fait que ce soit indéfini, ça peut indiquer qu'il y a plusieurs facilités qui vont venir après une difficulté. Et certains savants, ils sont même allés jusqu'à dire il y aura au minimum, après une difficulté, au minimum deux facilités. Pourquoi? Parce que Allah, il a répété le verset deux fois. Certains savants ont interprété comme ça. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il ne faut pas perdre espoir, que de toute façon, l'épreuve, elle est temporaire. De toute façon, quand elle nous parvient, c'est qu'on peut la surmonter, qu'elle sera un bien pour nous si on patiente correctement, et que, Inch'Allah, il va en avoir que du bien qui va en découler, dunya ou fil akhirah, ou les deux, de toute façon. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Désolé que je me suis un peu trop étalé, ça va être l'heure de l'Aïcha. Wa Allahu a'lam, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.